Les moulins de mon cœur. Le blé est à mi-hauteur dans le champ derrière la bergerie. Sous la fenêtre de la cuisine, le petit canal gazouille. Le mistral ébouriffe les branches de l'auguste olivier penché sur l'eau. Cigales et grillons s'éclatent au soleil. Ça sent l'été, et pourtant, on n'est qu'en mai. Quand Faustine a bouclé sa télé après l'émission du soir, elle enfile sa petite laine et prend sa voiture. Parfois, elle descend carrément à Cannes. La ville lui fait moins peur la nuit. Elle aime pratiquer la conduite quand il n'y a plus personne, à part peut-être quelques prostituées en attente de clients. Mais la plupart du temps, Faustine se contente du point de vue de Cabrice. De là, son regard plonge d'un côté vers la vieille ville de Grasse, de l'autre en direction du lac de Saint-Cassien, par-dessus Péménade. Plus loin, la Méditerranée renvoie son image à la lune. Des effluves de farigoule, lavande et romarin s'offrent à la nuit. Presque imperceptible, la voie lactée scintille. Tous les sens en éveil, Faustine se relie à l'infini, puis, imprégnée de beauté, rentre chez elle, se glisse dans ses draps et s'endort comme un loir. Depuis que Maxime l'a recontactée, la vie n'est plus aussi simple. Répondre, ne pas répondre. Elle n'a pas encore eu le temps d'y réfléchir qu'un énorme bouquet de fleurs est livré route de Cannes, suivi par un autre 3 jours plus tard et un troisième la semaine suivante. Un soir, un mystérieux paquet l'attend à son domicile de la Marie-Garde. C'est un 33 tours dédicacé par Maxime Souris que Faustine a croisé à Paris en avril alors qu'il jouait au Slow Club. C'est bien, au moins je ne l'empêche pas de travailler ni d'aller faire le bœuf avec ses copains, pense la jeune femme, touchée malgré tout par le présent. Après les cadeaux, sonnent les coups de téléphone. Papa, en bon macho, ne concevrait pas qu'une femme refuse de répondre à un homme, fut-il Maxime, et lui prête son bureau le temps de l'appel. Résignée, Faustine prend l'appareil. Quasi muette, elle laisse Maxime s'exprimer. Faustine, je vais crever. Je ne dors plus, je ne mange plus, je suis une loque. Ça fait trop mal. Viens à Lyon. Tu me dois mes 8 jours, je te l'ai déjà dit. S'il te plaît. Faustine refuse. Résiste plusieurs semaines. S'accroche à ses résolutions premières. Pour bien faire, là, maintenant, tout de suite, il faudrait qu'elle puisse prendre la fuite. Il y a assez de chalets de montagne dans son pays qui engagent des serveuses pour l'été. Elle pourrait s'y cacher, tout quitter, disparaître de la circulation sans laisser d'adresse. Même ses parents ne sauraient pas où elle est. Mais comment faire? Elle ne sera majeure que dans 3 mois et sa mère refuse obstinément de la laisser partir. Faustine l'entend d'ici marmonner. Qu'elle se débrouille pour sortir de son merdier. Après tout, elle n'a que ce qu'elle mérite. En ce qui la concerne, il est hors de question qu'elle se prive de son unique employé. Elle n'aurait jamais le temps d'en former une autre avant la saison d'été. Faustine fulmine. Quelle égoïste! On dirait que ça l'arrange qu'elle reste la maîtresse de cet homme, que par ailleurs elle ne cesse de critiquer. Une nuit, Maxime vient rôder autour de son studio, gratter à sa porte. Elle fait celle qui dort ou qui n'est pas là. Et les larmes de son ex-amant, jour après jour, finissent par avoir raison de ses fermes résolutions. Elle repense à leur premier rendez-vous, les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Ils ont beaucoup en commun, sont sur la même longueur d'onde, et ce n'est pas que physique. 5 sur 5, ils se comprenaient, partageaient le même sens de l'humour. Si Maxime aime rire, il sait être très tendre et affectueux. Alors qu'importe si, comme le scorpion de son signe, il lui arrive de se retourner brusquement pour piquer sa proie. « C'est sa nature, dit-il. » Et il sait si bien se faire pardonner. Avec Faustine, il est généreux, gentil, passionné. Peu à peu, elle en oublie les mauvais pressentiments, les points négatifs. Il commence à lui manquer, vraiment. Ah, s'il n'était pas marié! Peut-être que ce petit voyage à Lyon, après tout, serait déterminant, à défaut d'être rédhibitoire, non? Lors d'une conversation téléphonique, pourtant, dans un barreau d'honneur, elle confie à Maxime qu'elle va revendre sa voiture pour s'acheter un appareil photo. plus de bagnoles égale plus de pieds bleus, plus de rencontres et donc la paix. C'est du bluff, bien sûr, mais au moins il aura tout essayé pour se débarrasser de lui. Hélas, trois fois hélas, il lui écrit dès la semaine suivante. Ne vends pas ton véhicule, ne te prive pas de liberté, accepte de me revoir juste une fois, je t'apporte l'appareil de tes rêves. C'en est trop, cette fois Faustine craque. Après le boulot, elle invite maman à boire l'apéro au bistrot des casernes et devant trois décis de vin blanc lui expose la situation. Le Jean-Claude qui s'impatiente et qui aimerait bien conclure, le Maxime qui la harcèle et ne demande que ses quelques jours à Lyon pour cadeau de rupture. Faustine demande si, pourquoi pas, après tout, accepter l'invitation, que Maxime soit content et lui fiche la paix, puis au retour s'engager pour de bon auprès de Jean-Claude, non? Si? Maman ne voit pas pourquoi ça ne serait pas possible. Que Faustine prenne donc cette semaine de vacances, elle peut le lui permettre et ça lui fera du bien. Ensuite, en ce qui la concerne, sa fille peut bien avoir autant d'amants qu'elle le souhaite, elle ne lui jettera pas la pierre. « Chouette !» exulte Faustine, épatée une fois de plus par la largesse d'esprit de sa mère. « Alors, dès demain, j'annonce la nouvelle à Maxime. » Elle met beaucoup de temps à s'endormir ce soir-là, bizarrement surexcitée à l'idée de le revoir. Au matin, papa convoque Faustine dans son bureau. Il a sa mine des mauvais jours. « Tu sais, maman m'a rendu compte de votre conversation d'hier soir, et je dois te dire que je ne suis absolument pas d'accord avec elle. En tant qu'homme, je n'apprécierais pas du tout que la personne que je courtise ait mené une vie de bâton de chaise. » Faustine, il faut maintenant que tu réfléchisses à ce que tu souhaites vraiment, que tu choisisses une fois pour toutes et que tu t'y tiennes. Si tu fréquentes Jean-Claude, tu ne pars pas avec Maxime, même 5 jours. Si tu pars avec Maxime, tu romps proprement avec Jean-Claude, c'est clair ? Faustine, au pied du mur, se remet une nouvelle fois en question. Les paroles de son beau-père ont servi d'électrochoc. Elle s'interroge sincèrement. En vérité, où balance son cœur ? Elle doit bien se l'avouer, vers Maxime, sans contestation. Faustine rentre chez elle sans passer par l'atelier. Assez d'émotions pour aujourd'hui, et pas envie de se justifier auprès des parents. Sans compter que maintenant il va lui falloir se libérer de Jean-Claude. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir lui dire ? Quand Faustine le retrouve pour lui imposer sa décision, il la regarde tristement. À la façon dont tu repoussais mes avances et refusais d'aller plus loin, j'avais bien compris que tu n'étais pas tout à fait libre, malgré tes allégations. Alors c'est lui qui a gagné, en fin de compte. Pas le choix. Il voulait se suicider. Vraiment ? Je comprends. Dommage, je t'aurais bien prise dans mes bagages. Comment ça ? Mon ex est parti à Montauban avec son nouveau mec. J'ai trouvé un magasin là-bas. Je suis super heureux. Je vais revoir mon fils. Si tu avais voulu, on partait ensemble. Je ne pense pas que mes parents m'auraient laissé partir plus facilement avec toi qu'avec Maxime. C'est vrai. En attendant, tu avais promis de m'accompagner au rallye. Ça tient toujours ? J'ai besoin de toi pour la logistique. Un cadeau d'adieu, en quelque sorte. Encore ? Qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur fichu cadeau ? « Ok, je viendrai, mais tu sauras que je pars tôt le lendemain. Je ne pourrai pas servir le café toute la nuit, ni venir à la réception. »« Ne t'inquiète pas, on s'arrangera. » Il ne reste plus à Faustine qu'à récupérer les pellicules des photos artistiques, mais néanmoins compromettantes qu'elle a eu l'imprudence de laisser chez le jeune homme. Pour gentil qu'il soit, la confiance de la jeune femme est mesurée. Elle préfère limiter les risques. Profitant d'un jour où il est au boulot, elle s'introduit discrètement chez lui. La clé est sous le pot de fleurs à côté de l'entrée. Et subtilise l'épreuve par trop reconnaissable de sa beauté légendaire. Très vite, elle trouve les 2 rouleaux développés en attente de tirage. Elle vérifie que rien d'autre ne traîne, remet la clé à sa place et s'en retourne chez elle. Au-dessus de l'évier, elle craque une allumette. C'est surprenant ce que ça crame bien, cette matière. La semaine suivante, Faustine rejoint Maxime sur le parking de Tourette. Elle entre dans sa voiture, referme la portière. Elle n'a pas le temps d'attacher sa ceinture qu'il se met à rouler droit devant lui, à tombeau ouvert. Il pleut ce jour-là, la route est glissante. On dirait qu'il cherche à provoquer un accident, qu'il a perdu la tête, décidé de les suicider tous les deux. Faustine est terrorisée, mais elle serre les dents, se retient de hurler. Au bout d'une éternité, il semble changer d'avis, freine, se gare sur un petit promontoire, passe son bras derrière la jeune femme, s'empare d'un étui posé sur la banquette arrière. Dedans, l'appareil photo promis, un beau Minolta. « Tiens, voilà, il est presque neuf, je l'ai nettoyé. »« Merci. Tu l'as trouvé où ?»« Figure-toi que la semaine passée, j'étais en déplacement à Paris pour ma boîte. Quand je suis descendue payer ma note, il y avait cet amerloc juste devant moi qui faisait un barouf du diable pour une connerie. Il avait laissé son appareil sur le comptoir. Il gueulait comme un putois, vraiment odieux et méprisant, traitant les tauliers pire que des chiens. J'ai posé mon imperce sur le bidule. Me restait plus qu'à l'emballer. « Mais c'est du vol !»« Non, c'est de la justice. Et c'est à toi maintenant. »« Merci, il est très beau. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Si tu veux toujours de moi, je vais pouvoir venir à Lyon finalement. »« Tu ne dis rien ?»« J'ai peur de comprendre. » »« Mais il n'y a rien à comprendre. » J'ai choisi, c'est tout. Laisse-moi 2 secondes pour m'habituer à l'idée. J'ai faim, et toi? Moi aussi. On n'a plus le temps d'aller au restaurant, on se rattrapera un autre jour. Va pour un sandwich? Va pour un sandwich, approuve Faustine avant que Maxime se jette sur elle pour l'embrasser, comme un marin longtemps sevré. Plus tard. Faustine, mon amour, tu ne peux pas savoir combien tu me rends heureux. Et s'il y a une chose que j'ai comprise ces dernières semaines, c'est que je ne veux plus jamais, jamais te quitter. Tu entends? Je ne peux pas vivre sans toi. Je te veux pour la vie. Je veux vieillir à tes côtés. Te voir rire, manger, marcher, chanter, t'écouter tous les jours et passer mes nuits à te regarder dormir après t'avoir fait l'amour. Je te jure aujourd'hui de toute mon âme que je ferai tout pour me libérer. Laisse-moi juste un peu de temps pour trouver une solution afin de le faire sans blesser celle qui m'aime. Hélène et les filles ne sont pas responsables de ce qui nous arrive. Elles ne méritent pas de souffrir. Je voudrais qu'elles vivent ma disparition avec un minimum de traumatisme. Je crois avoir ma petite idée que je t'expliquerai plus tard. Surtout, je ne veux pas que tu prennes des balles perdues. Faustine, surprise, ne sait pas quoi répondre. Elle ne s'attendait pas à un tel revirement. Persuadée, comme maman le prétendait, qu'un homme marié ne divorçait jamais, voilà qu'elle tombe sur le seul contre-exemple. Mais l'heure n'est pas au regret, comme il le lui chante sur tous les tons en la raccompagnant à sa voiture. Dans quelques jours, ils partent en voyage de noces.